t'aimes vraiment le rock, pose cette guitare et branche-toi sur British Connection. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. En exclusivité, uniquement dans British Connection. Salut, moi c'est Fabien Arca dans British Connection pour vous parler de mon roman KCKC. Deux initiales derrière lesquelles se cache un ado en dernière année au lycée. Plutôt en marge avec son pull mohair, son 501 déchiré et ses converses pourries, KC n'a qu'une ambition, monter un groupe de punk rock. Mais si on assistait aussi à la naissance d'une icône, car étrangement derrière ses initiales plane l'ombre de Kurt Cobain. Même s'il n'est jamais nommé, KC évolue à Aberdeen, petite ville paumée de l'Ouest américain où justement Kurt Cobain a grandi. Et le texte, sans être un biopic, reprend des éléments de sa jeunesse. L'envie d'écrire ce roman est venue à la suite de l'écoute d'un morceau assez planant de l'album Nevermind intitulé Something in the Way, dans lequel Cobain plaque deux accords sur une guitare sèche et nous raconte un moment d'errance et sa vie sous un pont après une fugue. À cela s'est ajoutée la lecture d'une biographie, Plus lourd que le ciel, de Charles R. Cross, et aussi la lecture de son journal intime. Tous ces matériaux ont nourri ma réflexion, nourri mon imaginaire et m'ont permis d'écrire cette histoire. Mais trêve de parole et place tout de suite à Something in the Way, tiré de l'album Nevermind. Underneath the bridge, top is sprung a leak, and the animals I've trapped all become my pets, and I'm living off of grass, and the drippings from the ceiling. It's okay. Don't have any feeling. C'est toujours Fabien Arca avec vous pour évoquer mon roman Cassé, paru aux éditions du Rouergue. Alors dans le roman, en 27 chapitres, Cassé s'adresse directement à nous. Il nous raconte des moments clés de son histoire, depuis sa rencontre avec la musique, l'apprentissage de la guitare, la haine qu'il éprouve pour son beau-père qui est selon lui le roi des connards, sa position d'outsider au sein du lycée, ses premières expériences, qu'elles soient sexuelles avec les drogues, une rencontre amoureuse, sa relation aussi avec l'autorité que représente l'école, et enfin son premier concert. Il nous livre ainsi sa vision du monde, mais derrière ce portrait d'un jeune en pleine construction, derrière l'avènement de l'artiste, j'avais aussi l'envie de parler à la jeunesse de manière plus générale, et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai fait le choix de ne pas nommer précisément Kurt Cobain et d'être dans une fiction plutôt que dans une biographie. Comme je l'ai déjà dit, Cassé, c'est pas un biopic. Si bien qu'on peut le lire sans pour autant être un fan de Kurt Cobain, on peut le lire tout simplement parce qu'on est jeune, ou bien parce qu'on l'a été, ou bien parce qu'on aime la musique et le punk rock en général. Et d'ailleurs à ce propos, je vous propose maintenant d'écouter un autre morceau de Nirvana, Breed, tiré du live à Reading, enregistré le 30 août 1992 devant 60 000 spectateurs. Alors pour vous situer un peu le contexte, c'est le début du concert, le groupe entre en scène et pour déjouer les rumeurs selon lesquelles il était trop mal en point à cause de la drogue, Cobain va arriver en fauteuil roulant, il prononce quelques mots au micro avant de s'écrouler sur scène, puis tel un phénix se relève, prend sa guitare et entame le morceau qu'on va écouter tout de suite. C'est Breed, tiré du live at Reading. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à écouter British Connection, ici même sur votre radio favorite. Pour vous remercier de votre fidélité, l'émission vous offre encore plus de rock. Comme dirait Marty McFly, ça c'est du rock. Toujours avec vous, c'est Fabien Arca pour vous parler de Cassé, mon roman paru aux éditions du Rouergue et que vous pouvez trouver dans toutes les librairies de France, au format livre ou sinon en téléchargement, en version numérique. Alors, dans le roman, j'alterne entre des moments de récit où le personnage nous raconte des épisodes marquants de son histoire et des fragments de chansons, poèmes écrits par le personnage lui-même. Un peu à l'image du journal intime, ce patchwork narratif permet de montrer comment la vie d'un artiste se transpose dans son art, ou si vous préférez, comment le personnage transfigure les épreuves de sa vie dans la création artistique. En définitive, Cassé, c'est le récit de la naissance d'un artiste, avec l'avantage qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il va devenir, contrairement à Kurt Cobain, dont on connaît malheureusement la fin tragique. Bref, Cassé, c'est un roman plein d'espoir, plein d'humour, une ode à la jeunesse et à la créativité. C'est mon premier roman, mais c'est pas mon premier livre, puisque je suis aussi écrivain de théâtre et que j'ai publié d'autres textes. Et d'ailleurs, à ce propos, une version théâtrale a été créée par Christian Giria, avec au plateau un acteur formidable, Charlie Breton, et une guitariste punk rock hors du commun, Delphine Chiampi. Si le spectacle passe pas loin de chez vous, courez-y, c'est vraiment un super travail. Alors je tiens à remercier tout particulièrement Philippe de British Connection de m'avoir donné l'occasion de vous parler de mon roman, Cassé. Pour les amoureux du punk rock, pour les fans de Kurt Cobain, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour ceux qui ont été jeunes, pour ceux qui le seront toujours. Et avant de se quitter, je vous propose d'écouter les premières pages du livre que j'ai mis en musique. Oui, parce que voilà, je suis aussi guitariste à mes heures perdues. Et donc, j'ai pris ma guitare et j'ai créé quelques ambiances pour accompagner cette lecture. J'espère ainsi vous donner l'envie de foncer ensuite dans une librairie pour vous procurer Cassé aux éditions du Rouergue. Allez, bonne écoute. You are listening to British Connection, the best radio rock show in the galaxy. Chapitre 1. Il m'a dit, tiens, tu peux la prendre, moi j'en joue plus. Ouais. C'était il y a 2 ans. J'en avais 15. Je connaissais rien à la musique, du moins pas grand-chose, mais j'étais attiré par l'instrument irrésistiblement, quelque chose qui ne s'explique pas. Rangée dans son étui, la guitare avait résisté aux années de solitude. Je l'ai sortie de là. Pas en mauvais état, aucune fissure, la caisse intacte, le chevalet toujours bien collé, les mécaniques à peine rouillées, le manche droit. Bref, la gratte pouvait jouer, par contre elle n'avait que 3 cordes. Les 3 graves. Immédiatement, j'ai aimé la sensation de l'instrument contre moi, les vibrations chaudes qui se dégageaient là dans mon ventre, et puis le son, ouais, profond. Ce jour-là, mon cousin m'a montré le seul morceau qu'il maîtrisait. Un blues assez basique sur 3 cordes. J'ai retenu l'air et bien observé ses doigts. J'ai passé la journée à bosser sur l'enchaînement, comme un acharné. À la fin, j'avais pigé le truc, une première victoire. La semaine suivante, j'ai changé les cordes, elles étaient vraiment trop pourries. C'était pas évident. Un vendeur de la boutique sur West Wishka Street m'a filé un coup de main. Il m'a dit « Tu débutes ?» J'ai dit « Ouais ». Il m'a dit « Tu veux une méthode ?» J'ai dit « Pourquoi faire ?» Il m'a dit « Pour apprendre, banane. » J'ai dit « C'est combien ? J'ai pas beaucoup de thunes. » Il m'a fait un prix d'ami. J'ai payé les cordes, la méthode, et j'ai commencé à m'y mettre, sérieusement, tout seul dans ma chambre. La méthode, c'était fastidieux. Il y avait un tableau d'accords avec les positions des doigts sur le manche. Au début, ça sonnait super faux, horrible. Il me fallait un temps de malade pour passer d'un accord à un autre. J'avais pourtant commencé par le plus simple, le mi mineur. Un accord à 2 doigts. Après, je me suis attaqué au barré, et puis au fur et à mesure, à tous les autres accords. Tout l'été, j'ai bossé comme un dingue sur l'instrument, à tel point que j'avais de la corne au bout des doigts, et ma frangine dans sa chambre qui n'arrêtait pas de gueuler « J'en ai marre de tes fausses notes !» Ensuite, je me suis trouvé des partitions sur lesquelles les accords étaient placés, et là, j'ai appris des chansons. La première, ça devait être une reprise des Beatles. Ma sœur a littéralement pété les plombs. « Putain, mais en plus, tu chantes comme un chat qu'on égorge. Tu fais vraiment chier, là ?» Jusque-là, j'avais toujours aimé chanter, mais sans vraiment l'assumer. Et là, maintenant, du fait que je pouvais m'accompagner d'un instrument, c'était différent. Quelque chose se produisait. Quelque chose s'affirmait. Un peu plus tard, le vendeur m'a dit « Mec, tu devrais prendre des cours. » Mais bon, me faire chier à apprendre la musique de manière académique, c'était pas trop mon truc, d'autant plus que j'avais pas de fric. Alors sympa, il m'a refilé des plans. Le power chord. Un truc de base pour jouer vite et fort. C'était parfait. Et puis régulièrement, il me laissait m'entraîner sur les guitares électriques dans la boutique quand il n'y avait pas trop de monde. C'est comme ça que j'ai continué à progresser un peu à ma manière. En essayant, en me trompant. Certains pourraient dire que c'est une erreur, une faute de goût, mon esprit rebelle, une attitude que je me donne. Certains pourraient dire ça et d'autres pourraient dire plein d'autres trucs encore. Personnellement, je m'en fous, j'ai juste envie de suivre mon chemin dans la musique. Je me fais suffisamment chier à l'école. Aujourd'hui, je prétends pas être un virtuose, par contre j'ai plein de mélodies dans la tête sur lesquelles je pose des mots. Je crois bien que j'écris des chansons. Évidemment, ça reste encore rudimentaire, naïf, étrange, bizarre, des balbutiements, mais est-ce que c'est grave? J'ai pas l'intention de devenir un jukebox humain dépourvu de toute sensibilité musicale, non. Quand je prends ma guitare, je sors du monde. Je suis entre parenthèses, seul avec moi-même. Ça me procure le calme nécessaire, la tendresse qu'il me manque, et j'envisage l'avenir différemment. D'une certaine manière, j'ai moins la rage au ventre, même si pour les autres, je passe des heures enfermé dans ma chambre, comme un autiste à faire, refaire, essayer, construire, déconstruire. J'y passe trop de temps, mais quoi? Des mots se posent, ma voix se place, et la guitare tout contre moi, absorbée par la musique. Je dérange qui? Écoutez une seule fois British Connection, et il y a toutes les chances que vous ne vouliez plus rien écouter d'autre. Shine, I would shiver the whole night through. the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. Qui vous fait découvrir les groupes que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Salut, c'est Perfecto. Nous sommes très fiers de vous présenter notre concept album Quasar of Love. Il est sorti le 7 avril et pour vous donner un petit avant-goût, nous vous proposons d'écouter Love and Run sur British Connection. In my C'était un extrait du groupe Perfecto Love in Run dans British Connection. Maintenant, je vous propose de retrouver la dernière partie de notre album de la semaine. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Et oui, c'est la dernière partie de notre album de la semaine. Le groupe s'appelle Acide Gras. Voici un dernier extrait. On est parti en studio d'enregistrement du coup avec le groupe. On n'y allait pas pour très très longtemps parce que de toute façon ça s'enregistre vite, hein, on tape en avance. Et le premier soir on arrive et on s'est dit ok, bon bah tranquille quoi, faut quand même demain qu'on assure, donc on boit pas trop. La soirée se passe tranquillement et puis je sais pas, moi je vais me coucher et le lendemain je me réveille et je vois Thomas qui a la tête dans le cul et même encore plus loin. Aileen qui est pas très très fraîche non plus, je sais pas ce qu'ils ont fait après, mais en tout cas quand il a fallu qu'on enregistre Catacombe, clairement Thomas il a souffert. J'étais déboîté. T'es d'une mauvaise foi, toi aussi t'étais rabat. On a vu tout ce qu'il y avait dans le studio. Tout le monde était déchiré. Y'a que moi qui ai pas vomi. J'étais trop mal à Catacombe là. Quand ça va mal, trop fatigué. C'est la bagarre, tu te sens bizarre, tu vas clencher. Quand t'es tristoun, trop arrosé. Dans ton vomi, tu t'es noyé, tu vas crever. T'as peur du vide, le vaisselle. Ne t'inquiète pas, nous on sera là pour t'épauler. Y'aura acide, gras au complet. On fera la table, ce beau cadavre décomposé. Catacombe, catacombe, catacombe. Ton cadavre, c'est de la boue. La la la la la la la la. Catacombe, catacombe, catacombe. C'est la terre dans ta tombe. C'est la fête, ça te fait rêver. Je coule arrosé dans ton petit crâne vertébré. Prends pas la tête, c'est décidé. Chacun de tes os fera une dédicacée. Dans les tunnels, la merde au pied. Ne mélange pas des toupelles pour se la coller. C'est ta poupée, tu me zolais. Tu n'es pas bonne ta neuf et de Johnny Hallyday. Catacombe, catacombe, catacombe. C'est la peur dans ta tombe. Catacombe, catacombe. Ton cadavre c'est la bombe. Acide Gras, retrouvez-les en concert dimanche au Rockin' Kiosk de Laon et le 12 juillet au Supersonic. A tout de suite pour la dernière demi-heure de British Connection.